Comment représenter les ouvriers au cinéma? Les recherches historiques sur le 7e art sont assez récentes car elles se sont heurtées à des difficultés que ne rencontre pas l'historien qui travaille sur des archives écrites. Il faut d'abord réfléchir aux critères grâce auxquels le chercheur pourra construire le corpus d'œuvres sur lequel portera l'analyse. La difficulté tient aussi à la complexité des problèmes que pose l'étude des films, concernant la multitude des histoires qu'ils racontent, mais qui touche aussi à la performance des acteurs et aux questions d'ordre technique, comme la façon de filmer, le montage, etc. Pendant longtemps, ces difficultés ont été aggravées par les obstacles dans l'accès aux sources. Mais depuis une trentaine d'années, les progrès techniques et la réforme du dépôt légal des œuvres audiovisuelles, qui autorise aujourd'hui la libre consultation des copies, ont grandement facilité le travail des historiens du cinéma. Pour montrer l'intérêt de ce domaine de recherche, j'ai pris pour exemple l'ouvrage que Michel Cadet a consacré aux représentations du monde ouvrier dans le cinéma français depuis le début du XXe siècle. Le corpus, composé d'une centaine d'œuvres, lui a permis de mettre en évidence un hiatus entre l'importance historique de la classe ouvrière dans notre histoire contemporaine et sa faible représentation cinématographique, à peine plus de 1% de la production globale. L'étude montre aussi la dépendance de cette production cinématographique par rapport au contexte social et politique. L'ouvrage pointe les creux, comme pendant la période de l'occupation, et les temps forts en phase avec le mouvement social, comme pendant les années qui suivirent les événements de mai 68. Mais parfois, ce sont les films qui précèdent l'actualité. Ce fut le cas notamment à partir de 1993, quand une large place fut faite aux grèves sur nos écrans, alors que le puissant mouvement des cheminots n'éclata qu'à la fin de l'année 1995. Ces œuvres cinématographiques reflètent aussi les changements qui se sont produits dans les représentations des classes populaires. Jusque dans les années 1970, les ouvriers qualifiés, notamment les métallos et les gueules noires, dominèrent largement. Mais ensuite, la crise de la grande industrie marginalisa ces anciennes figures du monde ouvrier et la caméra se focalisa davantage sur les femmes et les immigrés travaillant à la chaîne. Sur le plan de l'écriture cinématographique, le désir de souligner la pénibilité et la répétitivité des tâches se traduisit souvent par une extrême fragmentation des plans et par un montage syncopé. L'étude montre aussi la place de plus en plus grande qui a été faite au chômage dans la production cinématographique. Alors qu'au départ, l'ouvrier était toujours présenté comme le responsable de la perte d'emploi, à partir des années 30, elle est vue comme la conséquence des dysfonctionnements de l'économie. L'accent mis sur le chômage est l'indice d'un autre changement récent qui s'est produit dans la représentation filmée du monde ouvrier. Elle tente aujourd'hui à quitter l'entreprise pour la cité de banlieue. Le travailleur cède la place aux jeunes issus de l'immigration, confrontés au désœuvrement, à la drogue ou à la répression policière.